ils n'ont plus rien à raconter. Ils posent à leurs proches un vrai dilemme. On ignore leur dernière volonté. C'est pourquoi, comme un interlude, j'arrête mes sarcasmes de minutes. Avec une chansonnette, ce qu'il faut faire de ma carcasse encombrante. D'abord qu'on m'emmène au dépeceur d'organes, malgré d'un cœur qu'on dit de pierre, des poumons de mineur et un foie de moine. J'espère quand même qu'on pourra faire affaire. Et moi, le frile qui pour rien s'enrhume, me voyez-vous 6 pieds sous terre, le douche d'une chaudière qui s'allume, me serait infiniment plus salutaire. C'est bon, je vais pas en faire 10 000 couplets, sinon ça donne le cafard. Si je change d'avis, si ça ne vous déplaît, dans une prochaine chanson, je vous en ferai part.